Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, Jacques Bonafé lit des extraits du Petit Nicolas de Goscinny, illustré par Sempé. Il y a le dessin de couverture qui est en couleur aussi. Avec toute la classe, les bons, les mauvais élèves, et ceux qui jouent en dessous des pupitres, les deux cartes murales. La France de l'agriculture, avec les régions de la chicorée, de la pomme de terre, du lait, du fromage, des bœufs, des lentilles, du colza, du tabac. Et de l'autre côté, la plante, avec une grande image de la graine du haricot, le cotylédon, le radicule, la tigelle, la gémule. Il reconnaît tous les petits garçons de la classe. Ils y sont tous, je ne sais pas pourquoi, à Nian. Il n'y est pas parce qu'il est devant et l'image s'arrête avant la... La paire de lunettes d'Agnan. Ah oui, non, c'est pas lui. Non. C'est pas de lunettes. Et Alceste. Voilà, c'est le premier qu'on reconnaît, parce qu'il est toujours avec quelque chose dans la bouche. Là, il est en train de manger une banane ou un croissant. En fait, ils sont pas très repérables au visage, les copains du petit Nicolas. Ni lui, c'est la classe qu'on reconnaît, qui a toujours le même petit air. Agnan, avec ses lunettes, et puis Alceste, mais sinon les uns et les autres, ils se ressemblent tous. Ben, ce que j'avais gardé, oui, en mémoire, c'est pour ça que la lampe de poche me restait si fort en tête, c'était la tête du petit Nicolas, qui était tout éclairé de jaune dans sa grande chambre noire. Oui, c'est la sienne, pourtant ça ressemble pas à une chambre d'enfant, il a fermé les volets. Il a éteint la lumière, il s'est revêtu d'un drap et... Dans cette obscurité, il a allumé la lampe de poche qu'il vient d'acheter avec l'argent que lui a envoyé Mémé ou celle qu'il a gagnée en faisant septième en orthographe. Et puis il se projette la lumière à la figure, il se regarde dans la glace en faisant des lumières. Et ce qui est encore plus drôle, c'est la toute petite image, lorsque l'histoire se termine, où on voit le petit Nicolas en train de marcher sur le trottoir, alors en plein jour, avec sa petite lampe de poche, très souriant, regardant le petit rond de lumière devant lui, et une dame éberluée qui se retourne. Lui sous le lit avec sa lampe de poche. Et vous, quand vous lisiez, quand vous étiez petit, vous lisiez aussi à la lampe de poche? C'est lui, je crois, qui m'a donné l'idée, qui m'a donné l'appétit de faire ces choses-là. Après avoir lu l'histoire, on se disait, oh, ça doit être vraiment très très bien, ça. Ça doit être très drôle. Et on était... J'étais avec mon frangin dans la chambre. Et par le fait... Ça permettait de se faire un territoire d'avoir sa lampe de poche. Mais c'est vrai, comme le dit la maman de Nicolas, que ça crève les yeux. Au bout d'un moment, il arrive exactement ce qui arrive dans l'histoire, c'est que la lampe ne fonctionne plus parce qu'on s'endort. On s'endort sur son bouquin avec cette petite lampe de poche et quand on se réveille, les piles sont usées. Le musée de peinture. Aujourd'hui, je suis très content parce que la maîtresse emmène toute la classe au musée pour voir des peintures. C'est drôlement amusant quand on sort tous ensemble comme ça. C'est dommage que la maîtresse, qui est pourtant gentille, ne veuille pas le faire plus souvent. Un car devait nous emmener de l'école au musée. Comme le car n'avait pas pu garer devant l'école, nous avons dû traverser la rue. Alors la maîtresse nous a dit « Mettez-vous en rang par deux et donnez-vous la main, et surtout faites bien attention. » Moi, j'ai moins aimé ça parce que j'étais à côté d'Alceste, mon ami qui est très gros et qui mange tout le temps, et ça n'est pas très agréable de lui donner la main. J'aime bien Alceste, mais il a toujours les mains grasses ou collantes. Ça dépend de ce qu'il mange. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance, il avait les mains sèches. « Qu'est-ce que tu manges, Alceste ?» je lui ai demandé. « Tes biscuits secs !» il m'a répondu en m'envoyant plein de miettes à la figure. Devant, à côté de la maîtresse, il y avait Agnan. C'est le premier de la classe, c'est le chouchou de la maîtresse. Nous, on ne l'aime pas trop, mais on ne tape pas beaucoup dessus à cause de ses lunettes. « Et en avant, marche !» a crié Agnan. Et nous avons commencé à traverser pendant qu'un agent de police arrêtait les autos pour qu'on nous laisse passer. Tout d'un coup, Alceste a lâché ma main et il a dit qu'il revenait tout de suite, qu'il avait oublié des caramels en classe. Alceste a commencé à traverser dans l'autre sens, au milieu des rangs, ce qui a fait un peu de désordre. « Où vas-tu, Alceste ?» a crié la maîtresse. « Reviens ici tout de suite !»« Oui, où vas-tu, Alceste ?» a dit Agnan. « Reviens ici tout de suite !» Eudes s'admira pas plus qu'avait dit Agnan. Eudes est très fort et il aime bien donner des coups de poing sur le nez des gens. « De quoi te mêles-tu, chouchou ? Je vais te donner un coup de poing sur le nez, » a dit Eudes en avançant sur Agnan. Agnan s'est mis derrière la maîtresse et il a dit qu'on ne devait pas le frapper, qu'il avait des lunettes. Alors Eudes, qui était dans les derniers rangs, parce qu'il est très grand, a bousculé tout le monde. Il voulait aller trouver Agnan, lui enlever ses lunettes et lui donner un coup de poing sur le nez. « Eudes, retournez à votre place !» a crié la maîtresse. « C'est ça, Eudes, » a dit Agnan. « Retournez à votre place !» « Je ne voudrais pas vous déranger, » a dit l'agent de police, « mais ça fait déjà un petit moment que j'arrête la circulation. Alors si vous avez l'intention de faire la classe sur le passage clouté, il faut me le dire. Moi, je ferai passer les autos par l'école. » Nous, on aurait bien aimé voir ça, mais la maîtresse est devenue toute rouge et de la façon dont elle nous a dit de monter dans le car, on a compris que ce n'était pas le moment de rigoler. On a vite obéi. Le car a démarré et derrière, l'agent a fait un signe aux autos qu'elle pouvait passer et puis on a entendu des coups de frein et des cris. C'était Alceste qui traversait la rue en courant avec son paquet de caramel à la main. Bon, finalement, Alceste est monté dans le car et nous avons pu partir pour de bon. Avant de tourner le coin de la rue, j'ai vu l'agent de police qui jetait son bâton blanc par terre au milieu des autos accrochées. Nous sommes entrés dans le musée, bien en rang, bien sage, parce qu'on aime bien notre maîtresse, et nous avions remarqué qu'elle avait l'air très nerveuse, comme maman quand papa laisse tomber la cendre de ses cigarettes sur le tapis. On est entrés dans une grande salle avec des tas et des tas de peintures accrochées au mur. « Vous allez voir ici des tableaux exécutés par les grands maîtres de l'école flamande », a expliqué la maîtresse. Elle n'a pas pu continuer très longtemps parce qu'un gardien est arrivé en courant et en criant parce qu'Alceste avait passé le doigt sur un tableau pour voir si la peinture était encore fraîche. Le gardien a dit qu'il ne fallait pas toucher et il a commencé à discuter avec Alceste qui lui disait qu'on pouvait toucher puisque c'était bien sec et qu'on ne risquait pas de se salir. La maîtresse a dit à Alceste de se tenir tranquille et elle a promis au gardien de bien nous surveiller. Le gardien est parti en muant la tête. Pendant que la maîtresse continuait à expliquer, nous avons fait des glissades. C'était chouette parce que par terre, c'était du carrelage, ça glissait bien. On jouait tous, sauf la maîtresse qui nous tournait le dos et qui expliquait un tableau, et Agnan qui était à côté d'elle et qui écoutait en prenant des notes. Alceste ne jouait pas non plus, il était arrêté devant un petit tableau qui représentait des poissons, des beefsteaks et des fruits. Alceste regardait le tableau en se passant la langue sur les lèvres. Nous, on s'amusait bien et Eudes était formidable pour les glissades. Il faisait presque la longueur de la salle. Après les glissades, on a commencé une partie de saut de mouton, mais on a dû s'arrêter parce qu'Agnan s'est retourné et il a dit « Regardez, mademoiselle, il joue !» Eudes s'est fâché et il est allé trouver Agnan qui avait enlevé ses lunettes pour les essuyer, qui ne l'a pas vu venir. Il n'a pas eu de chance, Agnan. S'il n'avait pas enlevé ses lunettes, il n'aurait pas reçu le coup de poing sur le nez. Le gardien est arrivé, il a demandé à la maîtresse si elle ne croyait pas qu'il valait mieux que nous partions. La maîtresse a dit que oui, qu'elle en avait assez. Nous allions donc sortir du musée quand Alceste s'est approché du gardien. Il avait sous le bras le petit tableau qui lui avait tellement plu, avec des poissons, des beefsteaks et des fruits. Et il a dit qu'il voulait l'acheter. Il voulait savoir combien le gardien en demandait. Quand on est sorti du musée, Geoffroy a dit à la maîtresse que puisqu'elle aime les peintures, elle pouvait venir chez lui, que son papa et sa maman en avaient une chouette collection dont tout le monde parlait. La maîtresse s'est passée la main sur la figure et elle a dit qu'elle ne voulait plus jamais voir un tableau de sa vie. Qu'elle ne voulait même pas qu'on lui parle de tableau. J'ai compris alors pourquoi la maîtresse n'avait pas l'air très contente de cette journée passée au musée avec la classe. Au fond, elle n'aime pas les peintures. Vous m'avez dit, Jacques Bonafé, que vous aviez choisi le petit Nicolas parce que c'était un livre pour lequel vous vous battiez avec vos frères. Ah oui, on se disputait pour le retrouver parce qu'il était toujours dans la chambre de l'un ou de l'autre. C'était une référence permanente. Ou alors on se traitait des noms différents des élèves. L'un était Clotaire, mon petit frère de temps en temps, on le traitait d'Alceste. Oui, on se figurait être les différents personnages de l'histoire. Comme aujourd'hui, parfois, ça revient brièvement en mémoire, comme ça, on se dit vraiment, celui-là, c'est un Agnan tout craché, qui veut toujours dénoncer à la maîtresse. Le vase rose du salon. J'étais à la maison, en train de jouer à la balle, quand, bing, j'ai cassé le vase rose du salon. Maman est venue en courant, et moi, je me suis mis à pleurer. « Nicolas, m'a dit maman, tu sais qu'il est défendu de jouer à la balle dans la maison. Regarde ce que tu as fait. Tu as cassé le vase rose du salon. Ton père y tenait beaucoup à ce vase. Alors, quand il viendra, tu lui avoueras ce que tu as fait, il te punira et ce sera une bonne leçon pour toi. » Maman a ramassé les morceaux de vase qui étaient sur le tapis et elle est allée dans la cuisine. Moi, j'ai continué à pleurer parce qu'avec papa, le vase, ça va faire des histoires. Papa est arrivé de son bureau, il s'est assis dans son fauteuil, il a ouvert son journal, il s'est mis à lire. Maman m'a appelé dans la cuisine et elle m'a dit « « Eh bien, tu lui as dit à papa ce que tu as fait ?»« Moi, je ne veux pas lui dire, j'ai expliqué, et j'ai pleuré un bon coup. »« Ah, Nicolas, tu sais que je n'aime pas ça, m'a dit maman. Il faut avoir du courage dans la vie. Tu es un grand garçon maintenant, tu vas aller dans le salon et tout avouer à papa. » Chaque fois qu'on me dit que je suis un grand garçon, j'ai des ennuis, c'est vrai, à la fin. Mais comme maman n'avait pas l'air de rigoler, je suis allé dans le salon. « Papa, j'ai dit... » a dit papa qui a continué à lire son journal. « J'ai cassé le vase rose du salon. J'ai dit très vite à papa, et j'avais une grosse boule dans la gorge. « a dit papa. « C'est très bien, mon chéri, va jouer. » Je suis retourné dans la cuisine, drôlement content, et maman m'a demandé « Tu as parlé à papa ?»« Oui, maman, j'ai répondu. » « Et qu'est-ce qu'il t'a dit ?» m'a demandé maman. « Il m'a dit que c'était très bien, mon chéri, et que j'aille jouer, j'ai répondu. » Ça, ça ne lui a pas plu à maman. « Ça, par exemple, elle a dit. » Et puis elle est allée dans le salon. « Alors, a dit maman, c'est comme ça que tu fais l'éducation du petit. » Papa a levé la tête de son journal, l'air très étonné. « Qu'est-ce que tu dis ?» l'a demandé. « Ah non, je t'en prie, ne fais pas l'innocent, a dit maman. « Évidemment, tu préfères lire tranquillement ton journal pendant que moi, je m'occupe de la discipline. »« J'aimerais en effet, a dit papa, lire tranquillement mon journal, mais il semble que ce soit une chose impossible dans cette maison. »« Oh, bien sûr, monsieur aime prendre ses aises, les pantoufles, le journal et à moi toutes les sales besognes, a crié maman. « Et après, tu t'étonneras si ton fils devient à dévoyer. »« Mais enfin, a crié papa, que veux-tu que je fasse ? Que je fouette le gosse dès que j'entre dans la maison ?» « Tu refuses tes responsabilités, a dit maman, ta famille ne t'intéresse guère. »« Ça, par exemple, a crié papa, moi qui travaille comme un forcené, qui supporte la mauvaise humeur de mon patron, qui me prive de bien des joies pour vous mettre, toi et Nicolas, à l'abri du besoin. »« Je t'ai déjà dit de ne pas parler d'argent devant le petit, a dit maman. »« On me rend fou dans cette maison, a crié papa, mais ça va changer. Oh là là, ça va changer. » »« Ma mère m'avait prévenu, a dit maman. J'aurais dû l'écouter. »« Ah, ta mère, ça m'étonnerait qu'elle ne soit pas encore arrivée dans la conversation, ta mère, a dit papa. » Laisse ma mère tranquille, a crié maman, je t'interdis de parler de ma mère. Mais c'est pas moi qui, a dit papa. Et on a sonné à la porte. C'était monsieur Blédur, notre voisin. J'étais venu voir si tu voulais faire une partie de dame, il a dit à papa. Vous tombez bien, monsieur Blédur, a dit maman. Vous allez être juge de la situation. Ne pensez-vous pas qu'un père doit prendre une part active dans l'éducation de son fils? Qu'est-ce qu'il en sait? Il n'a pas d'enfant, a dit papa. Ce n'est pas une raison, a dit maman. Les dentistes n'ont jamais mal aux dents, ça ne les empêche pas d'être dentistes. Et d'où tu as sorti cette histoire que les dentistes n'ont jamais mal aux dents, a dit papa. Tu me fais rigoler. Et il s'est mis à rigoler. Vous voyez, monsieur Blédur, il se moque de moi, a crié maman. Au lieu de s'occuper de son fils, il fait de l'esprit. Qu'en pensez-vous, monsieur Blédur? Pour les dames, a dit monsieur Blédur, c'est fichu, je m'en vais. Ah non, a dit maman. Vous avez tenu à mettre votre grain de sel dans cette conversation, vous resterez jusqu'au bout. Non, pas question, a dit papa, cet imbécile que personne n'a sonné n'a rien à faire ici, qu'il retourne dans sa niche. Mais écoutez, a dit monsieur Blédur. Oh, vous les hommes, tous pareils, a dit maman. Vous vous tenez bien entre vous. Et puis vous feriez mieux de rentrer chez vous plutôt que d'écouter aux portes de vos voisins. Eh bien, on jouera aux dames un autre soir, dit monsieur Blédur. Bonsoir, au revoir Nicolas. Et monsieur Blédur est parti. Moi je n'aime pas quand papa et maman se disputent. Mais ce que j'aime bien, c'est quand ils se réconcilient. Et là, ça n'a pas raté. Maman s'est mise à pleurer, alors papa, il a eu l'air embêté. Il a dit « Bon, allons, allons ». Et puis, il a embrassé maman. Il a dit qu'il était une grosse brute. Et maman a dit qu'elle avait eu tort. Et papa a dit que non, que c'était lui qui avait eu tort. Ils se sont mis à rigoler. Et ils se sont embrassés. Et ils m'ont embrassé. Et ils m'ont dit que tout ça était pour rire. Et maman a dit qu'elle allait faire des frites. Le dîner a été très chouette et tout le monde souriait drôlement. Et puis papa a dit « Tu sais, chérie, je crois que nous avons été un peu injustes envers ce bon Blédur. Je vais lui téléphoner pour lui dire de venir prendre le café et jouer aux dames. » Monsieur Blédur, quand il est venu, il se méfiait un peu. « Vous n'allez pas recommencer à vous disputer, au moins. » Il a dit. Mais papa et maman se sont mis à rigoler. Ils l'ont pris chacun par un bras et ils l'ont emmené dans le salon. Papa a mis le damier sur la petite table. Maman a apporté le café et moi, j'ai eu un canard. Et puis papa a levé la tête. Il a eu l'air tout étonné et il a dit. « Ça, par exemple. Où est donc passé le vase rose du salon ?» Je tombe sur une image où il fait des cauchemars. Parce qu'il fait. Il repasse en revue toutes les leçons qu'on lui a données. Tu finiras en prison, au bagne. Elle envoie un gendarme qui le regarde, qui est en prison. Un gros œil qui le regarde. Un lion qui le poursuit. En fait, c'est comme un chien policier. Un lion qui est tenu en laisse par un homme méchant. Trouve-le, il a manqué l'école. Et il est la tête sous l'échafaud. Et les dames qui disent c'est le petit qui a manqué l'école. Et on retrouve au cours de toutes ces pages régulièrement le terrain vague dont il adore parler, d'ailleurs en répétant, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais à côté de chez moi, il y a un terrain vague avec beaucoup de boîtes de fer, etc. Et il y a la petite image des palissades qu'on aimait bien aussi dans Quick et Pfluck et chez Hergé. Et qui a là la version de Sampé est toujours en train de sous. C'est des planches qui sont plantées dans le sol. Derrière lesquels on peut faire toutes les bêtises, fumer un cigare, jouer au foot, monter à 10 dans la voiture qui est là, et partir en vacances. Il lit pas beaucoup le petit Nicolas. Non, il y a les copains qui ont des phrases là-dessus en disant que c'est vraiment ridicule. C'est Agnan qui lit quand Agnan a la mauvaise idée d'acheter un cadeau pour la maîtresse. Il faut qu'il achète un bouquin. Non mais ça va, on va pas acheter un bouquin à la maîtresse. Les copains, On s'est cotisé pour acheter un cadeau à la maîtresse parce que demain, ça va être sa fête. D'abord, on a compté les sous. C'est Agnan qui est le premier en arithmétique qui a fait l'addition. On était contents parce que Geoffroy avait apporté un gros billet de 5000 vieux francs. C'est son papa qui lui a donné. Son papa est très riche et il lui donne tout ce qu'il veut. Nous avons 5207 francs, nous a dit Agnan. Avec ça, on va pouvoir acheter un beau cadeau. L'ennui, c'est qu'on ne savait pas quoi acheter. On devrait offrir une boîte de bonbons ou des tas de petits pains au chocolat, a dit Alceste, un gros copain qui mange tout le temps. Mais nous, on n'était pas d'accord parce que si on achète quelque chose de bon à manger, on voudra tous y goûter, il n'en restera rien pour la maîtresse. Mon papa a acheté un manteau en fourrure à ma maman et ma maman était drôlement contente. Nous a dit Geoffroy. Ça paraissait une bonne idée, mais Geoffroy nous a dit que ça devait coûter plus de 5207 francs parce que sa maman était vraiment très très contente. Et si on lui achetait un livre, a demandé Agnan. Ça nous a tous fait rigoler, il est fou, Agnan. Un stylo, a dit Eudes. Mais Clotaire s'est fâché, Clotaire c'est le dernier de la classe, et il a dit que ça lui ferait mal que la maîtresse lui mette de mauvaises notes avec un stylo que lui aurait payé. Tout près de chez moi, dit Rufus, il y a un magasin où on vend des cadeaux, ils ont des choses terribles. On trouverait sûrement ce qu'il nous faut. Ça, c'était une bonne idée, et on a décidé d'aller au magasin tous ensemble à la sortie de la classe. Quand on est arrivé devant le magasin, on s'est mis à regarder dans la vitrine et c'était formidable. Il y avait des tas de cadeaux terribles. Des petites statues, des saladiers en verre avec des plis, des carafes comme celles dont on ne sert jamais à la maison, des tas de fourchettes et des couteaux, et même des pendules. Et ce qu'il y avait de plus beau, c'était les statues. Il y en avait une avec un monsieur en slip qui essayait d'arrêter deux chevaux pas contents. Une autre avec une dame qui tirait à l'arc. Il n'y avait pas de corde à l'arc, mais c'était si bien fait qu'on aurait pu croire qu'il y en avait une. Cette statue allait bien avec celle d'un lion qui avait une flèche dans le dos et qui traînait ses pattes de derrière. Il y avait aussi deux tigres, tout noirs, qui marchaient en faisant des grands pas, et des boy scouts, et des petits chiens, des éléphants, et un monsieur dans le magasin qui nous regardait, qui avait l'air méfiant. Quand nous sommes entrés dans le magasin, le monsieur est venu vers nous en faisant des tas de gestes avec les mains. « Allons, allons !» il nous a dit « Dehors, ce n'est pas un endroit pour s'amuser ici. »« Mais on n'est pas venu pour rigoler, » a dit Alceste, « on est venu pour acheter un cadeau. » Un cadeau pour la maîtresse, j'ai dit. On a des sous, a dit Geoffroy. Et Agnan a sorti les 5207 francs de sa poche et il les a mis sous le nez du monsieur qui a dit bon, ça va. Mais on ne touche à rien. C'est combien ça? A demandé Clotaire en prenant deux chevaux sur le comptoir. Attention, lâche ça, c'est fragile, a crié le monsieur qui avait drôlement raison de se méfier parce que Clotaire est très maladroit et casse tout. Clotaire s'est vexé, il a remis la statue à sa place et le monsieur a eu juste le temps de rattraper un éléphant que Clotaire avait poussé avec le coude. Nous, on regardait partout et le monsieur courait dans le magasin en criant non, non, non, ne touchez pas, ça casse. Moi, il me faisait de la peine, le monsieur. Ça doit être énervant de travailler dans un magasin où tout casse. Et puis le monsieur nous a demandé de nous tenir tous en groupe au milieu du magasin, les bras derrière le dos, et de lui dire ce qu'on voulait acheter. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de chouette pour 5207 francs, a demandé Joachim. Le monsieur a regardé autour de lui, et puis il a sorti d'une vitrine deux boy scouts peints. On aurait dit qu'ils étaient vrais. Je n'avais rien vu d'aussi beau, même à la foire, au stand de tir. Vous pourriez avoir ceci pour 5000 francs, a dit le monsieur. « Ah, c'est moins que ce que nous pensions mettre, » a dit Agnan. « Moi, » dit Clotaire, « j'aime mieux les chevaux. » Et Clotaire allait reprendre les chevaux sur le comptoir, mais le monsieur les a pris avant lui et les a gardés dans ses bras. « Bon, » il a dit, « monsieur, vous les prenez, les boy scouts, oui ou non ?» Comme il n'avait pas l'air de rigoler, nous avons dit d'accord. Agnan lui a donné les 5000 francs et nous sommes sortis avec les boy scouts. Dans la rue, on a commencé à discuter pour savoir qui allait garder le cadeau jusqu'à demain pour le donner à la maîtresse. « Ce sera moi, » dit Geoffroy. « C'est moi qui ai mis le plus d'argent. » « Je suis le premier de la classe, » a dit Agnan, « c'est moi qui donnerai le cadeau à la maîtresse. »« Tu n'es qu'un chouchou, » a dit Rufus. Agnan s'est mis à pleurer et à dire qu'il était très malheureux, mais il ne s'est pas roulé par terre comme il le fait d'habitude parce qu'il tenait les boy scouts dans les mains et il voulait pas les casser. Pendant que Rufus, eux, Geoffroy et Joachim se battaient, moi j'ai eu l'idée de jouer à pile ou face pour savoir qui allait donner le cadeau. Ça a pris pas mal de temps et on a perdu deux monnaies dans les goûts. Et puis c'est Clotaire qui a gagné. Nous, on était très embêtés parce qu'on avait peur qu'avec Clotaire qui casse tout, le cadeau n'arrive jamais jusqu'à la maîtresse. On a donné les deux boy scouts à Clotaire et Eudes lui a dit que s'il les cassait, il lui donnerait des tas de coups de poing sur le nez. Clotaire a dit qu'il ferait attention, il est parti chez lui en portant le cadeau, en marchant tout doucement et en tirant la langue. Nous, avec les 205 francs qui nous restaient, on a acheté des tas de petits pains au chocolat et on n'a pas eu faim pour dîner et nos papas et nos mamans ont cru que nous étions malades. Le lendemain, on est tous arrivés très inquiets à l'école, mais on a été contents quand même. On a vu Clotaire avec les deux boy scouts dans les bras. « J'ai pas dormi cette nuit, » nous a dit Clotaire. « J'avais peur que la statue ne tombe de la table de nuit. » En classe, je regardais Clotaire qui surveillait le cadeau qu'il avait mis sous son pupitre. J'étais drôlement jaloux parce que quand Clotaire lui donnerait le cadeau, la maîtresse serait contente et elle l'embrasserait et Clotaire deviendrait tout rouge parce qu'elle est très jolie, la maîtresse, quand elle est contente. Presque aussi jolie que ma maman. « Que caches-tu sous ton pupitre, Clotaire ?» a demandé la maîtresse. Et puis elle s'approchait du banc de Clotaire, l'air fâché. « Allons, » a dit la maîtresse, « donne !» Clotaire lui a donné le cadeau, la maîtresse l'a regardé et elle a dit « Je vous ai déjà interdit d'apporter des horreurs à l'école. Je confisque ceci jusqu'à la fin de la classe et tu auras une punition. » Et puis quand on a voulu se faire rembourser, on n'a pas pu, parce que devant le magasin, Clotaire a glissé et les boy scouts se sont cassés. Et j'étais toujours curieux de savoir comment était la maison. La maison du petit Nicolas? Ouais. Enfin, je ne sais pas savoir si ça ressemble à notre maison ou à d'autres maisons. C'était une drôle de manière de rentrer chez les gens. À des heures clés, mais des heures où on n'était pas chez les petits copains, où on se demandait ce qui se passait chez eux. Entre 7h et 7h30, on rentre très énervé, et on se reçoit une engueulade ou deux. Enfin, effectivement, il y a des disputes qui se déclenchent à ces heures-là. Il y avait un terrain vague, pas loin de chez moi. Il y avait... construisait des tentes et tout ça. Et oui, c'est ça. Rentrer chez soi après être resté avec les copains, c'était comme dans le petit Nicolas, quand on rentre à la maison et tout d'un coup, il y a une autre musique. Alors, vous avez essayé les bêtises du petit Nicolas ? On les essaye, les meilleurs coups, c'est que ça donne de l'inspiration pour faire des trucs en groupe. Là, il y en a un qui s'appelle Les Chaises, où ils sont vraiment tous fondants, alors. Même Agnan, qui porte la chaise. C'est un jour où il y a des travaux parce qu'il y a une fuite de gouttière dans la salle de classe. Et alors, ils descendent tous d'un étage en transportant les chaises. Évidemment, ils en descendent deux fois trop, donc ils doivent remonter dans l'autre sens. Et finalement, c'est le bouillon. Ben, je vous expliquerai plus tard pourquoi on l'appelle le bouillon. Il essaie de remettre de l'ordre là-dedans. Et puis, il se trimballe les chaises que les gamins ont transportées dans tous les sens. Ils se battent avec les chaises. Enfin, on l'appelle le bouillon parce qu'il me dit, il dit toujours « Regardez-moi dans les yeux », et puis que dans le bouillon, il y a des yeux. Contrairement au petit Nicolas, qui préfère jouer au foot ou faire des galipettes, vous lisiez. Il y avait des livres. C'est ça. Dans le décor de la maison, il y avait des livres et il y avait un couloir près des chambres avec une petite bibliothèque et il y avait souvent des... On s'arrêtait comme avant d'aller se coucher, ou je sais pas, en rentrant, après le goûter, on piochait un livre. Il y avait des livres interdits ? J'en avais repéré parce qu'ils avaient des couvertures. C'était un certain type de couverture en plastique vert. En bas, mais il avait été relégué, il y avait un bouquin qui était en dessous d'un tas d'autres bouquins, et qui était une espèce de livre de bonne conduite des jeunes gens. Il y avait des tas de paragraphes pour dire comment se méfier de l'amour ou comment se méfier des séducteurs. Ça, c'était adressé aux jeunes filles. Qu'il fallait pas croire que un homme qui portait pas de bague était pas un homme marié, parce qu'il y en avait qui allaient parfois dans les soirées dansantes et qui retiraient leur bague et puis qui parlaient aux jeunes filles, mais pourtant... J'ose à peine puiser dans cette mémoire, moi-même ça me plonge dans un fou rire. Ce matin en classe, la maîtresse nous a dit « Mes enfants, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Dans le cadre d'une grande enquête menée parmi les enfants des écoles, des reporters de la radio vont venir vous interviewer. » Nous, on n'a rien dit parce qu'on n'a pas compris. Sauf Agnan. Mais lui, c'est pas malin parce qu'il est le chouchou de la maîtresse et le premier de la classe. Alors la maîtresse nous a expliqué que des messieurs de la radio viendraient nous poser des questions et qu'ils faisaient ça dans toutes les écoles de la ville et qu'aujourd'hui c'était notre tour. Et je compte sur vous pour être sage et pour parler d'une façon intelligente, a dit la maîtresse. Nous, ça nous a énervé comme tout de savoir qu'on allait parler à la radio et la maîtresse a dû taper avec sa règle sur son bureau plusieurs fois pour pouvoir continuer à nous faire la leçon de grammaire. Et puis la porte de la classe s'est ouverte et le directeur est entré avec deux messieurs dont l'un portait une valise. « Debout, a dit la maîtresse. Assis, a dit le directeur. Mes enfants, c'est un grand honneur pour notre école de recevoir la visite de la radio qui, par la magie des ondes et grâce au génie de Marconi, répercutera vos paroles dans des milliers de foyers. Je suis sûr que vous serez sensible à cet honneur et que vous serez habité par un sentiment de responsabilité. Autrement, je vous préviens, je punirai les fantaisistes. Monsieur ici vous expliquera ce qu'il attend de vous. » Alors un des messieurs nous a dit qu'il allait nous poser des questions sur les choses que nous aimions faire, sur ce que nous lisions et sur ce que nous apprenions à l'école. Puis il a pris un appareil dans sa main et il a dit « Ceci est un micro. Vous parlerez là-dedans, bien distinctement, sans avoir peur. Et ce soir, à 8h précises, vous pourrez vous écouter car tout ceci est enregistré. » Et puis le monsieur s'est tourné vers l'autre monsieur qui avait ouvert sa valise sur le bureau de la maîtresse, et dans la valise il y avait des appareils, et qui avait mis sur ses oreilles des machins pour écouter. Comme les pilotes dans un film que j'ai vu, mais la radio ne marchait pas, et comme c'était plein de brouillard, il n'arrivait plus à retrouver la ville où il devait aller, il tombait dans l'eau, et c'était un film vraiment très chouette. Et le premier monsieur a dit à celui qui avait les choses sur les oreilles, « On peut y aller, Pierrot ?»« Ouais, » a dit Pierrot, « fais-moi un essai de voix. »« 1, 2, 3, 4, 5. Ça va ?» a demandé l'autre monsieur. « C'est parti, mon Kiki, » a répondu monsieur Pierrot. « Bon, » a dit monsieur Kiki. « Alors, qui veut parler en premier ?»« Moi, moi, moi !» nous avons tous crié. Monsieur Kiki s'est mis à rire et il a dit « Je vois que nous avons beaucoup de candidats, alors je vais demander à mademoiselle de me désigner l'un d'entre vous. » Et la maîtresse, bien sûr, elle a dit qu'il fallait interroger Agnan parce que c'est le premier de la classe. C'est toujours la même chose avec ce chouchou, c'est vrai quoi, à la fin. Agnan est allé vers monsieur Kiki et monsieur Kiki lui a mis le micro devant sa figure et elle était toute blanche, la figure d'Agnan. « Eh bien, veux-tu me dire ton nom, mon petit ?» a demandé monsieur Kiki. Agnan a ouvert la bouche et il a rien dit. Alors monsieur Kiki a dit « Tu t'appelles Agnan, n'est-ce pas ?» Agnan a fait oui avec la tête. « Il paraît, a dit monsieur Kiki, que tu es le premier de la classe. Ce que nous aimerions savoir, c'est ce que tu fais pour te distraire, tes jeux préférés. Allons, réponds, il ne faut pas avoir peur, voyons. » Alors Agnan s'est mis à pleurer et puis il a été malade et la maîtresse a dû sortir en courant avec lui. Monsieur Kiki s'est essuyé le front, il a regardé monsieur Pierrot et puis il nous a demandé « Est-ce qu'il y a un de vous qui n'a pas peur de parler devant le micro ?»« Moi, moi, moi !» on a tous crié. « Bon, » a dit monsieur Kiki, « le petit gros, là, viens ici. »« C'est ça. Alors on y va. Comment t'appelles-tu, mon petit ?»« Alceste, » a dit Alceste. « Alcheste ?» a demandé monsieur Kiki, tout étonné. « Et voulez-vous me faire le plaisir de ne pas parler la bouche pleine ?» a dit le directeur. « Ben, » a dit Alceste, « j'étais en train de manger un croissant quand il m'a appelé. »« Un croissant ? Alors on mange en classe maintenant ?» a crié le directeur. « Eh bien, parfait. Allez au piqué. Nous réglerons cette question plus tard et laissez votre croissant sur la table. » Alors Alceste a fait un gros soupir, il a laissé son croissant sur le bureau de la maîtresse et il est allé au piqué où il a commencé à manger la brioche qu'il a sortie de la poche de son pantalon pendant que monsieur Kiki essuyait le micro avec sa manche. « Excusez-les, » a dit le directeur, « ils sont très jeunes et un peu dissipés. »« Oh, nous sommes habitués, » a dit monsieur Kiki en rigolant. « Pour notre dernière enquête, nous avons interviewé les dockers grévistes. Pas vrai, Pierrot ?»« C'était le bon temps, » a dit monsieur Pierrot. Et puis monsieur Kiki a appelé Eudes. « Comment t'appelles-tu, mon petit ?» il a demandé. « Eudes !» a crié Eudes, et monsieur Pierrot a enlevé les choses qu'il avait sur les oreilles. « Pas si fort, » a dit monsieur Kiki, « c'est pour ça qu'on a inventé la radio, pour se faire entendre très loin, sans crier. »« Allez, on recommence. Comment t'appelles-tu, mon petit ?»« Ben, Eudes, je vous l'ai déjà dit, » a dit Eudes. « Mais non, » a dit monsieur Kiki, « il ne faut pas me dire que tu me l'as déjà dit, je te demande ton nom, tu me le dis, c'est tout. »« T'es prêt, Pierrot ?»« Bon, allez, on recommence. Comment t'appelles-tu, mon petit ?»« Eudes, » a dit Eudes. « On le saura, » dit Geoffroy. « Dehors, Geoffroy !» a dit le directeur. « Silence !» a crié monsieur Kiki. « Hé, préviens quand tu cries !» a dit monsieur Pierrot qui a enlevé les choses qu'il avait sur les oreilles. Monsieur Kiki s'est mis la main sur les yeux, il a attendu un petit moment, il a enlevé sa main et il a demandé à Eudes ce qu'il aimait faire pour se distraire. « Je suis terrible au foot, » a dit Eudes. « Je les bats tous. »« C'est pas vrai, j'ai dit hier, t'étais gardien de but. Et qu'est-ce qu'on t'a mis ?»« Ouais, » a dit Clotaire. « Rufus avait sifflé hors-jeu, » a dit Eudes. « Mais bien sûr, » a dit Mexan, « il jouait dans ton équipe. Moi, j'ai toujours dit qu'un joueur ne pouvait pas être en même temps arbitre, même si c'est lui qui a le sifflet. » « Tu veux mon point sur le nez ?» a demandé Eudes, et le directeur l'a mis en retenue pour jeudi. Alors monsieur Kiki a dit que c'était dans la boîte, monsieur Pierrot a tout remis dans la valise, et ils sont partis tous les deux. À 8h ce soir, à la maison, à part papa et maman, il y avait monsieur et madame Blédur, monsieur et madame Courteplaque qui sont nos voisins, monsieur Barlier qui travaille dans le même bureau que mon papa, et il y avait aussi tonton Eugène, et nous étions tous autour de la radio pour m'écouter parler. Mémé avait été prévenue trop tard, elle n'avait pas pu venir, mais elle écoutait la radio chez elle avec des amis. Mon papa était très fier et il me passait la main sur les cheveux en faisant « et tout le monde était bien content. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé à la radio. À 8h, il n'y a eu que de la musique. Ça m'a surtout fait de la peine pour monsieur Kiki et monsieur Pierrot. Ils ont dû être drôlement déçus. Première lecture. Lecture d'enfance. Extrait du Petit Nicolas de Goscinny, illustré par Sempé et lu par Jacques Benafé. Agnès Warnier, Bruno Roncière, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau. Cette émission était remise en onde par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.